إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقول أيضا عز وجل: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. أيها المسلمون، وصف الله الإنسان بأنه عجول، أي بأن فيه عجلة في أموره وتسرعا في أحواله كلها، لقصور علمه وقلة إدراكه كانت تلك العجلة فيه. وهذا لفت نظر له ليتحلى بالصبر والأناه، فكم يفوت عليه بالعجلة أمور يندم على فواتها، وكم تعود العجلة عليه بأمور يندم على فعلها. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم صلاة الاستخارة قبل أن يقدم على أمر من الأمور، ليسأل الله إن يكن هذا الأمر خيرا له في الدين والدنيا وعاقب الأمور أن ييسره الله له ويعينه عليه، وإن يكن شرا له في دينه ودنياه وعاقبة أمره أن يصرفه الله عنه، وما ندم من استخار. أيها المسلمون، وإذا تأمل المسلم كتاب الله وتأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم حق التأمل، رأى أن العجلة مذمومة وأنه لا خير فيها، أعني العجلة في غير ما أمرت به من الأوامر الشرعية. Chers musulmans et musulmanes, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: l'homme a été créé hâtif dans sa nature, je vous montrerai mes signes, ne me hâtez donc pas. Et il dit aussi azza wa jal: l'homme appelle le mal comme il l'appelle le bien, car l'homme est très hâtif, c'est-à-dire qu'il se précipite. Allah azza wa jal a dans ce verset décrit l'homme comme étant un être qui se précipite et qui fait les choses rapidement et s'empresse à les faire. Et parce que l'être humain a une science réduite et parce qu'il ne saisit pas immédiatement les conséquences, eh bien, le fait d'être hâtif fait partie de ses caractéristiques. Et ceci également est une interpellation de l'être humain à faire preuve de quiétude et à faire preuve de patience. Car combien la précipitation a causé de dégâts, combien de personnes ont commis des choses précipitamment, puis ont regretté de les avoir faites. Et combien de personnes, parce qu'elles se sont précipitées, sont passées à côté d'immenses et grandes occasions. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré aux musulmans la prière de la consultation, avant d'entreprendre une quelconque affaire ou afin d'entreprendre un quelconque projet, il se doit de consulter son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et si cette chose est un bien pour lui dans sa religion et dans cette vie d'ici-bas, et que cela apporte de bonnes choses, alors il demande à Allah Azza wa Jal de lui faciliter celle-ci et de l'aider à l'accomplir. Par contre, si cette chose comporte un mal dans sa religion, dans sa vie d'ici-bas, ou que cela implique de mauvaises conséquences, eh bien il demande à Allah Azza wa Jal de l'en éloigner. Et ne regrette jamais celui qui demande consultation. Chers musulmans et musulmanes, celui qui médite et raisonne dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendra compte que la précipitation est une chose condamnée, c'est une chose qui ne contient pas de bien. Et je veux dire par la précipitation, bien sûr, hormis celle que la religion nous encourage d'avoir, à savoir se précipiter et accourir à mettre en œuvre et en application les commandements d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa min thalikum, naqlu l'akhbar wa isha'atu l'akhbar, yakunu inda ba'di nasi ajalah, fa'ayyu khabirin sami'atuhu udhunah, نشر ذلك الخبر وأشاعه من غير تثبت أهذا الخبر حق أم باطل أصدق أم كذب مجرد خبر يسمعه لا يستطيع أن يكتمه بل لا بد أن يشيعه وينشره ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع رواه مسلم فمن حدث بكل ما سمع اعتبر كاذبا لأن الخبر قد يستقصى فلا يرى له صحة فيتهم بالكذب وهو لم يقصد ذلك لكن عجلته في الأخبار أوجبت له أن يوصف بتلك الصفة الخاطئة ومن العجلة المذمومة الحكم على الأشخاص وإصدار الحكم على فلان وفلان بأن فلانا فاسق أو بأن فلانا كافر ونحو ذلك مما قد يستعجل به البعض من غير خوف من الله ومن غير ورع وتأكد لتعلم أيها المسلم وأيتها المسلمة لتعلم أن الله محاسبك على كل ما تقول فإن حكمت على أي كان بحكم فاعلم أن الله سائلك عنه تحكم عليه بالبدعة الله سائلك عن ذلك تحكم عليه بالفسق أو تحكم عليه بالكفر فالله عز وجل سيسألك عن ذلك فاتق الله في حكمك قبل أن تصدره اتق الله فيه قبل أن تقول المهم أن يكون حكمك واقعا على حقائق لا على ظنون وأهواء فالمصيبة أن تكون الأحكام تنطلق من هوى في النفس والهوى يعمي ويصم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله كراهيتك لبعض الناس وعدم التئام طبعك مع طباعهم لا يجوز لك أن تحكم عليهم بالأحكام الجائرة من غير روية في الأمور فإن من حكم على الناس من غير روية في أموره قد يعود عليه ذلك الأمر بالضرر عليه في نفسه ومن قال لأخيه يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع عليه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Chers musulmans et musulmanes, parmi les choses dans lesquelles la précipitation est mauvaise et néfaste, le fait de se précipiter à rapporter et à diffuser des informations. Certaines personnes se précipitent pour rapporter les informations, quelle que soit l'information qu'a entendue ses oreilles, et ils s'empressent de diffuser celle-ci sans prendre la peine de vérifier l'authenticité de ces informations. Sont-elles véridiques ou sont-elles fausses? Sont-elles la vérité ou alors sont-elles le bien? Sont-elles des informations de bien ou des informations qui contiennent du mal? Le simple fait d'écouter ces informations, il ne peut se retenir et s'empresse de les diffuser auprès des gens. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est considéré comme un mensonge le fait de rapporter tout ce que l'on entend, rapporté par Muslim dans son sahih. Ainsi, celui qui rapporte tout ce qu'il entend est considéré en islam comme un menteur, car il se peut que cette information, après vérification, s'avère inexacte. Ainsi, l'on traitera cette personne de menteur, alors qu'elle n'a pas menti, mais parce qu'elle s'est précipitée à rapporter et à diffuser cette information, et il mérite alors d'être caractérisé de cette façon. Et parmi la précipitation néfaste, le fait de s'empresser à juger les personnes, le fait de juger un tel ou un tel, de considérer un tel comme pervers, ou un tel comme mécréant, ou tout autre jugement qui sont proférés de façon hâtive, des jugements dénués de la crainte d'Allah et dénués de toute vérification. Chers musulmans et musulmanes, sache qu'Allah Azzawajal te jugera sur toutes les paroles que tu dis. Sache que lorsque tu juges une personne, quel que soit le jugement que tu portes sur elle, sache qu'Allah Azzawajal te questionnera sur cela. Si tu considères une personne innovatrice, Allah, si tu juges une personne innovatrice, Allah te demandera sur ce jugement. Si tu juges une personne comme étant perverse ou comme étant mécréante, eh bien Allah Azzawajal te questionnera sur ce jugement. Crains donc Allah Azzawajal avant de proférer quelque jugement que ce soit. Crains Allah Azzawajal avant que ta langue ne profère des paroles. Et l'important est que lorsque tu juges en te basant sur des réalités, sur des faits concrets et factuels, non sur des suppositions ou non et non en suivant tes passions. Car la grande catastrophe est lorsque les jugements émanent des passions. Car la passion rend aveugle et rend sourd. Allah Azzawajal a dit en exhortant Daoud, « Ô Daoud, nous avons fait de toi un calife sur terre, juge en toute équité parmi les gens, et ne suis pas la passion, sinon elle t'égarera du sentier d'Allah. » Le fait que tu n'apprécies pas certaines personnes, le fait que tu ne te sens pas proche d'une personne, cela ne doit pas t'amener à faire en sorte de juger cette personne de façon injuste. Car celui qui juge des personnes de façon injuste, en se basant sur des suppositions ou en se basant sur sa passion, eh bien cela peut avoir des retours néfastes sur celui qui a proféré ce jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit à son frère, ô ennemi d'Allah, et que cette personne n'est pas ainsi, eh bien ce jugement reviendra sur lui, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ayyuha al-muslimun, wa tudhammu al-ajalatu fi tasarru'i ba'd an-nas fi at-talaq, wa isti'jalu ba'd ar-rijal fi itlaq lafd at-talaq ala imra'atihi min ghayri anat fi al-umur. مجرد خصام مجرد نزاع اختلاف نظر عدم قيام المرأة بشيء من الواجبات تقصيرها في بعض الأمور يؤدي ببعض الحمقى أن يتسرع فيطلق المرأة لأتفه الأسباب وأحقرها ولسبب لا يستحق شيئا من ذلك يهدم بيته ويفرق أسرته ويشتت أولاده لماذا لبعض الأمور التي يمكن تلافيها والصبر عليها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. أما التسرع في الطلاق وعدم المبالاة به فذاك خطأ من بعض الناس وعجلة مذمومة. والطلاق إذا تلفظت به وقع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. ومن العجلة المذمومة سرعة الانفعال في أذنى خصومة مع الأولاد أو مع الآخرين، فيكون هنالك انفعال وشدة الغضب بسبب تافه يمكن حله وإنهاؤه بدون هذه الأمور. فسرعة الانفعال والغضب على كل الأسباب هذه أمور منهي عنها، وعجلة ضارة بالإنسان. والله تبارك وتعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. Chers musulmans et musulmanes, et parmi les formes de précipitation réprimandables en islam, le fait que certaines personnes se précipitent à prononcer le divorce. Certains hommes se précipitent à prononcer le divorce et à divorcer leur femme sans faire preuve de retenue et sans être posé pendant ce jugement extrêmement sérieux. Il suffit d'une vulgaire dispute, il suffit d'un malentendu, il suffit d'une divergence sur un point de vue, il suffit que la femme n'accomplisse pas un seul de ses devoirs, il suffit que la femme ait un manquement vis-à-vis de certaines situations, cela amène certains fous, il faut les appeler comme cela amène certains fous à se précipiter pour divorcer son épouse, pour des causes plus que futiles, et pour des causes qui ne méritent en aucun cas le divorce. Par cette parole, cet homme fou détruit sa maison. Il divise sa famille et il sépare ses enfants pour une chose qui aurait pu être évitée et pour un problème qui aurait pu facilement être résolu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le croyant ne s'énerve pas contre la croyante s'il déteste d'elle certains comportements, il en aimera d'autres. Quant au fait de se précipiter à divorcer et à prononcer la formule du divorce et à ne pas se soucier des conséquences de ceci, cela est sans aucun doute une grave erreur et cela est une précipitation qui est réprimandable. Et sachez, chers musulmans et musulmanes, que lorsque la formule du divorce est prononcée, alors le divorce a lieu. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit trois choses: de les dire sérieusement et pris en compte sérieusement, de les dire en plaisantant et pris en compte sérieusement. Que tu dis, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire le divorce, le mariage et le retour. Lorsque tu divorces ta femme, lorsque tu acceptes le mariage et lorsque tu reprends l'épouse que tu as divorcée, eh bien, lorsque tu prends ces décisions, elles sont mises en application. Que tu aies dit ces paroles de façon sérieuse ou que tu aies dit ces paroles en plaisantant, dans tous les cas, ces paroles sont prises en compte. Et parmi la précipitation réprimandable, le fait de s'énerver et de s'emporter, que ce soit vis-à-vis de ses enfants, de sa famille ou vis-à-vis des autres, la moindre chose fait éclater la personne en colère pour une chose futile, pour une raison qui n'en vaut en aucun cas la peine. Cela est une précipitation qui est mauvaise et qui est interdite en islam, car elle n'apporte que le mal à la personne. Et Allah Azza wa Jal nous dit: wa qulu lin-nasi husna, et dites des bonnes paroles aux gens. Wa min al-ajalati al-madhmuma ma yaslukuhu ba'd qa'id as-sayarat fi isti'jalihim fi sayrihim wa mukhalafatihim anzimat al-murur wa tajawuzihim al-hadd fi qiyadati as-sayara hatta yuaddi bi nafsihi ila al-halakah ويضر الآخرين ويحدث ويحدث من المصائب ما الله به عليم. فكم من قائد لسيارته لا يبالي وقت قيادته، فربما اصطدم بها في أحد الأشياء فصار ضحية لأعماله وأخطائه، وربما اصطدم بغيره وتحمل كل المصائب. فليتق المسلم ربه وهو يقود سيارته، وليراعي الأنظمة المعتبرة، وليروض نفسه على الأناة حتى يسلم من تلكم العجلة المذمومة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من عرفة إلى مزدلفة والناس حوله كان يشير إليهم عليه الصلاة والسلام بيده: السكينة السكينة. وكان في سيره عليه الصلاة والسلام متأنيا، إن رأى سعة أسرع، وإن رأى ضيقا وزحاما تأنى. وهو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فزيادة دقائق في السياقة ومع الأناة خير من عجلة تؤدي بك إلى الضرر المحتوم والعياذ بالله. ومن العجلة المذمومة استعجال الداعي في دعائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالدعاء ونهانا عن العجلة في طلب الإجابة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، فيستسحر ويدع الدعاء. والمسلم يعلم أنه يدعو ربا كريما قريبا مجيبا، لكن له تعالى حكمة في تأخير إجابة دعائك. فربما كان في التأخير خيرا لك، وأن في إجابة دعائك ضررا عليك، وربما أخرت إجابة دعوتك لتقوى رغبتك إلى ربك، ويعظم في قلبك تعظيم ربك وكمال الافتقار والاحتياج إليه، وذاك أعظم فضلا لك من أن تقضى حاجتك. que parmi les précipitations réprimandées, la précipitation dont font preuve beaucoup de conducteurs, beaucoup d'automobilistes, lorsqu'ils roulent extrêmement vite sur les routes et lorsqu'ils contredisent le code de la route. Ceci peut les amener à une catastrophe sur eux-mêmes ou sur autrui. Et cela peut amener des choses néfastes dont seul Allah Azzawajal peut connaître l'ampleur. Combien d'automobilistes ne prêtent pas attention lorsqu'ils conduisent leur voiture. Il se peut qu'ils aient une collision avec un objet ou autre, et ainsi il sera victime de ses propres actions et de ses propres erreurs. Il est possible qu'il entre en collision avec autrui et ainsi portera le fardeau et la responsabilité d'énormes catastrophes. Ainsi, que le musulman et la musulmane craignent Allah Azza wa Jal lorsqu'ils conduisent leur voiture, et qu'ils respectent les codes de conduite, et qu'ils respectent le code de la route, et qu'ils éduquent sa personne à conduire de façon posée et sereine, afin d'être épargné de cette mauvaise précipitation qui est souvent la cause de conséquences extrêmement graves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti de Arafat al-Muzdalifah, et lorsque ses compagnons radiyallahu anhum étaient autour de lui en grande quantité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur faisait signe de sa main: la quiétude. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyageait, il voyageait de façon sereine, et lorsqu'il voyait qu'il y avait possibilité d'accélérer, alors il accélérait. Et s'il voyait qu'il y avait du monde sur la route et qu'il n'y avait pas assez d'espace, alors il avançait de façon sereine et posée, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et sache, chers musulmans et musulmanes, que quelques minutes en plus, lorsque tu conduis ta voiture, lorsque tu arrives quelques minutes plus tard avec la sérénité et la quiétude, est meilleure que de se précipiter pour gagner quelques malheureuses minutes et pour au final mettre sa personne et mettre les autres en danger. Et parmi les précipitations réprimandables, le fait que celui qui invoque Allah Azzawajal se précipite et attend de façon hâtive l'exaucement de son invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'invoquer Allah Azzawajal, mais il nous a également interdit d'attendre de façon hâtive et de se précipiter au fait qu'Allah Azzawajal réponde à ton invocation. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, l'on exaucera l'invocation de l'un d'entre vous tant qu'il n'attend pas l'exaucement de façon hâtive et précipitée, en disant « j'ai invoqué, mais on ne m'a pas exaucé ». Ainsi, il est pris de remords, ou il est pris de tristesse et délaisse à cause de cela l'invocation. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le musulman sait pertinemment qu'il invoque Allah Azzawajal, le digne de louange, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est proche et celui qui exauce les invocations. Et Allah azawajal a une sagesse. Et il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala retarde l'exaucement de ton invocation pour une sagesse divine. Il est possible que le fait que ton invocation soit exaucée de façon tardive, que cela est meilleur pour toi. Il est possible également que le fait que ton invocation soit exaucée de façon immédiate soit un mal pour toi. Et il est possible également que le fait qu'Allah Azzawajal repousse et retarde l'exaucement de ton invocation ait pour but que Allah Azzawajal ait une plus grande place dans ton cœur et que tu fasses plus preuve d'humilité et que tu exprimes de façon plus éloquente et plus prononcée ton besoin de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa min al ajalatil madhmumah, al ajalatu fi s-salah. Fa'innana ma'muruna fi s-salati bi an naqtadi bi imamina. وأن لا نسابقه في كل الحركات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. وقال بعض السلف: لمأموم سابق إمامه لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. ومن العجلة المذمومة العجلة في أداء الصلاة والإسراع في أداء أركانها وفقدان الطمأنينة في أدائها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من أساء في صلاته أن يعيدها، وقال له: صلي فإنك لم تصلي. فواجب المسلم الطمأنينة في صلاته، وأن لا يؤديها بعجلة بل بتأن، مستكملا كل ركن وأذكار كل ركن حتى يؤديها الأداء المطلوب شرعا. Et parmi la précipitation qui est néfaste et réprimandée, le fait de se précipiter pendant la prière, car il nous a été ordonné pendant la prière de suivre notre imam et de ne pas le précéder dans ses mouvements. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, l'imam est présent pour être suivi. Lorsqu'il fait le takbir, faites le takbir. Et ne faites pas le takbir jusqu'à ce qu'il fasse le takbir. Et lorsqu'il s'incline, inclinez-vous. Et ne vous inclinez que lorsqu'il s'est incliné. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, je suis votre imam. Ne me précédez ni dans les inclinaisons, ni dans les prosternations, ni lorsque je m'en vais. Et certains salafs ont dit ou disaient à ceux qui précédaient leur imam dans les mouvements de la prière, il leur disait, ni tu n'as prié seul, ni tu n'as suivi d'imam. Et parmi les précipitations réprimandables, le fait d'accomplir la prière de façon précipitée et de ne pas accomplir les piliers et les obligations comme il se doit. Le fait d'accomplir la prière de façon précipitée, de telle sorte que la personne ne fasse pas preuve de quiétude et de concentration et d'humilité pendant celle-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui a mal accompli sa prière, notamment lorsqu'il n'accomplissait pas les prosternations et les inclinaisons comme il se doit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à trois reprises, va, retourne prier, car tu n'étais pas en train de prier. Ainsi, le musulman doit faire preuve de sérénité et de quiétude pendant sa prière. Il ne doit pas l'accomplir de façon précipitée, mais il doit être posé et doit accomplir chaque pilier comme il se doit et dire les rappels de chaque pilier jusqu'à accomplir sa prière de façon légiférée. Ayyuhal muslim. وأما أوامر الله لك من صلاة وزكاة وصوم وحج فالواجب المبادرة كما قال موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى فالصلوات الخمس شرع لنا أداؤها في أول الوقت ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها ووجب على المسلم أن يبادر بأداء زكاة المال إذا مضى الحول فإن أداءها على الفور واجب وأداء الصيام والحج كل ذلك مما يجب المبادرة فيه بأداء أركان الإسلام والمسابقة على الأعمال الصالحة قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que la précipitation recommandée est concerne les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait d'accomplir la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Il est obligatoire d'accourir pour les accomplir. Comme l'a dit Moussa alayhi salam, comme nous le relate Allah azza wa jal dans le verset 84 de surat Taha, « Je me suis hâté vers toi Seigneur, afin que tu sois satisfait. » Je me suis hâté vers toi Seigneur, c'est-à-dire, je me suis précipité vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait. Ainsi, les cinq prières, il est légiféré de les accomplir au début de leur heure. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné, quels sont les actes les plus aimés chez Allah, il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'accomplir la prière à son heure. De même que le musulman se doit de se précipiter à s'acquitter de la zakat lorsque le terme est arrivé. Car d'accomplir sur le champ la zakat et de s'acquitter de la zakat sur le champ lorsque le terme est arrivé est une obligation. Également, le fait de s'empresser à accomplir le jeûne et le pèlerinage font partie des choses qui sont recommandées, voire obligatoires en islam. Allah Azza wa Jal dit, hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que les cieux et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah Azza wa Jal est le détenteur de l'énorme grâce. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين ونسأله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم أعن إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم وليا ونصيرا